Lamartine est né à Mâcon, mais Milly, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui Milly Lamartine, située à proximité et où il passa son enfance, restera pour lui et la postérité sa terre natale. Voici quelques passages de Milly ou la terre natale. Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie? Dans son brillant exil, mon cœur en a frémi. Il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Montagne, que volait le brouillard de l'automne, vallon que tapissait le givre du matin, saule dont l'émondeur effeuillait la couronne, vieille tour que le soir dorait dans le lointain, mur noirci par les ans, coteaux, sentiers rapides, fontaines où les pasteurs accroupis tour à tour attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide, et leur urne à la main s'entretenait du jour. Chaumière du foyer étincelait la flamme, toi que le pèlerin aimait avoir fumé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? J'ai vu des cieux d'azur, où la nuit est sans voile, dorés jusqu'au matin sous les pieds des étoiles, arrondir sur mon front, dans leur arc infini, leur dôme de cristal, qu'aucun vent n'a terni. J'ai vu des monts, voilés de citrons et d'olives, réfléchir dans les flots leurs ombres fugitives, et dans leurs frais vallons, au souffle du zéphyr, bercé sur l'épi mûr, le cep prêt à mûrir. Sur des bords, où les mers ont à peine un murmure, j'ai vu des flots brillants, l'onduleuse ceinture, pressée et relâchée dans l'azur de ses plis, de leur cap dentelé, les contours assouplis.